La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Vous allez entendre aujourd'hui la seconde surprise de l'amour, comédie de Marivaux, donnée par les comédiens français, avec la distribution suivante. Monsieur Hortensius, pédant, Jacques Charon. Le comte, André Falcon. Lubin, valet du chevalier, Michel Galabru. Le chevalier, Georges Descrières. Lisette, suivante de la marquise, Yvonne Godot. La marquise, veuve, Hélène Perdrière. Mise en scène de Hélène Perdrière. La tribune libre de théâtre et université réunira autour de Philippe de Chartres, Léon Chancerel, président de la Société d'histoire du théâtre, Marcel Giraudet, Jean Beaufray, professeur de première supérieure au lycée Condorcet, et Jean Sébérac, Luc Bastide, élève de première supérieure au lycée Condorcet. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. La seconde surprise de l'amour de Marivaux date de 1726. C'est dire que c'est encore une pièce de début. Aussi bien était-ce sa première pièce jouée chez les comédiens français, et avait-il repris, en le démarquant et en l'adaptant à ce nouveau cadre, le sujet traité quelques années plus tôt chez les Italiens. Marivaux y manifeste déjà toutes les qualités personnelles qui donnent à son théâtre une résonance unique dans la littérature dramatique française, et aussi toutes les preuves indéniables d'un raffinement psychologique et sentimental un peu étranger à nos préoccupations d'aujourd'hui. Si les lecteurs, cependant, ne se laissent pas facilement entraîner vers le théâtre de Marivaux, les spectateurs, eux, ont eu ces dernières années le choix de très beaux spectacles où les grâces apprêtées d'un XVIIIe siècle un peu théorique s'alliaient au bon goût et la sûreté de mise en scène remarquable. Les comédiens français ont donné à Hélène Perdrière l'occasion d'une réussite parfaite en cet ordre d'idées. Sa sensibilité, son intelligence d'un texte plein de retours et de finesse, son grand talent, enfin, ont marqué sa réalisation. Et on ne peut que se réjouir d'expériences de cet ordre qui remettent Marivaux à sa place dans la littérature française. Voici la marquise. Elle s'avance lentement dans la pièce. Jette négligemment quelque chose sur un fauteuil, va s'asseoir sur un autre fauteuil, et Lisette, au contraire, pimpante, derrière elle. Oh, qu'est-ce que j'entends là? Oh, c'est vous. Oui, madame. De quoi soupirez-vous? Moi? De rien. Vous soupirez, je prends cela pour une parole, et je vous réponds de même. Fort bien. Mais qu'est-ce qui vous a dit de me suivre? Qui me l'a dit, madame? Vous m'appelez, je viens, vous marchez, je vous suis, je t'en reste. Je vous ai appelé, moi. Oui, madame. Allez vous rêver. Retournez-vous-en, je n'ai pas besoin de vous. Retournez-vous-en. Les personnes affligées ne doivent pas rester seules, madame. Ce sont mes affaires, laissez-moi. Ça ne fait qu'augmenter leur tristesse. Ma tristesse me plaît. Et c'est à ceux qui vous aiment à vous secourir dans cet état-là. Je ne veux pas vous laisser mourir de chagrin. Oh, voyons donc, ça ira. Pardi, il faut bien se servir de sa raison dans la vie et ne pas quereller les gens qui sont attachés à nous. Il est vrai que votre zèle est fort bien entendu. Pour m'empêcher d'être triste, il me met en colère. Eh bien, ça distrait toujours un peu. Il vaut mieux quereller que soupirer. Laissez-moi, je dois soupirer toute ma vie. Vous devez, dites-vous. Vous ne paierez jamais cette dette-là. Vous êtes trop jeune, elle ne saurait être sérieuse. Ce que je dis là n'est que trop vrai. Il n'y a plus de consolation pour moi. Il n'y en a plus. Après 2 ans de l'amour le plus tendre, épouser ce que l'on aime, ce qu'il y avait de plus aimable au monde, l'épouser et le perdre 1 mois après. 1 mois, c'est toujours autant de prix. Je connais une dame qui n'a gardé son mari que 2 jours. C'est ça qui est piquant. J'ai tout perdu, vous dis-je. Tout perdu, vous me faites trembler. Est-ce que tous les hommes sont morts? Et que m'importe qu'il reste des hommes? Oh, madame, que dites-vous là? Que le ciel les conserve? Ne méprisons jamais nos ressources. Mes ressources? À moi qui ne veux plus m'occuper que de ma douleur. Moi qui ne vis presque plus que par un effort de raison. Comment donc par un effort de raison? Voilà une pensée qui n'est pas de ce monde. Mais je vous trouve bien fraîche pour quelqu'un qui se fatigue tant. Je vous prie, Lisette, point de plaisanterie. Vous me divertissez quelquefois, mais je ne suis pas à présent en situation de vous écouter. Ah ça, madame, sérieusement, je vous trouve le meilleur visage du monde. Voyez-vous ce que c'est quand vous aimiez la vie? Peut-être que vous n'étiez pas si belle. La peine de vivre vous donne un air plus vif et plus mutin dans les yeux.

Il est permis aux gens de mauvaise humeur de la trouver comme ils voudront. Je vous demande pardon, madame, d'avoir dit ce que j'en pense. Continuons. Vous m'impatientez. Aviez-vous cet esprit-là avec Angélique, elle aurait dû ne vous aimer guère. Je n'en avais point d'autre, mais il était de son goût, et il a le malheur de n'être pas du vôtre. Vous l'écoutiez donc quand elle vous parlait. Écoutez-moi aussi. Lisette vous a prié de me parler pour le comte, vous ne l'avez pas voulu. Je n'avais garde, le comte est un amant, vous m'avez dit que vous ne les aimiez point. Mais vous êtes la maîtresse. Non, je ne la suis pas. Peut-on, à votre avis, répondre à l'amour d'un homme qui ne vous plaît pas? Vous êtes bien particulier. Oh, j'admire la peine que vous prenez pour me cacher vos sentiments. Vous craignez peut-être que je ne les critique après ce que vous m'avez dit? Non, madame, ne vous gênez point. Je sais combien il faut décompter avec le cœur humain. Et je ne vois rien là de fort ordinaire. Non, je n'ai de ma vie eu tant d'envie de quereller quelqu'un. Adieu. Mais marquise, tout ceci n'est que conversation. Et je serais au désespoir de vous chagriner. Achevez de grâce. Je reviens. Vous êtes l'homme du monde le plus estimable quand vous voulez. Et je ne sais aujourd'hui par quelle fatalité vous sortez d'un caractère ordinairement doux et raisonnable. Laissez-moi finir. C'est plus où j'en suis. Au comte qui vous déplaît. Eh bien, ce comte qui me déplaît. Vous n'avez point voulu me parler pour lui. Lisette s'est même imaginée vous voir un air piqué. Il en pouvait être quelque chose. Passe pour cela, c'est répondre. Et je vous reconnais. Sur cet air piqué, elle a pensé que je ne vous déplaisais point. Cela n'est pas difficile à penser. Pourquoi? On ne plaît pas à tout le monde. Or, comme elle a cru que vous me conveniez, elle vous a proposé ma main. Comme si elle dépendait d'elle. Il est vrai que je lui laisse souvent assez de pouvoir sur moi. Vous vous êtes, dit-elle, révoltée avec dédain contre la proposition. Avec dédain? Voilà ce qu'on appelle du fabuleux, de l'impossible. Doucement. Voici ma question. Avez-vous rejeté l'offre de Lisette comme piquée de l'amour du comte ou comme d'une chose qu'on rebute? Était-ce des pis jaloux? Car enfin, malgré nos conventions, votre cœur aurait pu être tenté du mien. Ou bien était-ce vrai dédain? Commençons par rayer ce dernier, il est incroyable. Pour de la jalousie. Parlez hardiment. Que diriez-vous si je m'avisais d'en avoir? Je dirais que vous seriez jaloux. Oui, mais madame, me pardonneriez-vous ce que vous haïssez tant? Vous ne l'étiez donc point. Je vous entends. Je l'avais bien prévu et mon injure est avérée. Mais que parlez-vous d'injure? Où est-elle? Est-ce que vous êtes fâché contre moi? Contre vous, chevalier? Mais non, certes. Et pourquoi me fâcherais-je? Vous ne m'entendez pas. C'est un impertinent Lisette à qui j'en veux. Je n'ai point de part à l'offre qu'elle vous a faite. Il a fallu vous la prendre, voilà tout. D'ailleurs, ayez de la haine ou de l'indifférence pour moi, que m'importe. J'aime bien mieux ça que de l'amour. Au moins, ne vous y trompez pas. Qui? Moi, madame, m'y tromper? Ce sont ces dispositions-là dans lesquelles je vous ai vues qui m'ont attaché à vous, vous le savez bien. Et depuis que j'ai perdu Angélique, j'oublierais presque qu'on peut aimer, si vous ne m'en parliez pas. Oh, pour moi, j'en parle sans m'en ressouvenir. Allons, monsieur Hortensius, approchez. Prenez votre livre. Lisez-moi quelque chose de gai qui m'amuse. Monsieur Chevalier, vous êtes le maître de rester si ma lecture vous convient. Mais vous êtes bien triste et je veux tâcher de me dissiper. Pour moi, madame, je n'en suis point encore aux lectures amusantes. Qu'est-ce que c'est que votre livre? Ce ne sont que des réflexions très sérieuses. Eh bien, que ne parlez-vous? Vous êtes bien taciturne. Pourquoi laisser sortir le chevalier, puisque ce que vous allez lui lire, lui convient? Monsieur le chevalier? Monsieur le chevalier? Que me voulez-vous? Madame vous prie de revenir, je ne lirai rien de récréatif. Que voulez-vous dire, madame vous prie? Je ne prie point. Si vous avez des réflexions. Vous rappelez monsieur, voilà tout. Je m'aperçois, madame, que je faisais une impolitesse de me retirer. Et je vais rester, si vous le voulez bien.

Le comte même, j'ai dit qu'il ne me déplaisait point. Mais où ai-je donc été chercher tout cela? Madame, je vous avertis qu'on vient de renvoyer madame la comtesse. Mais elle a dit qu'elle repasserait sur le soir. Voulez-vous y être? Non, jamais, Lisette, je ne saurais. Vous avez l'air bien abattue. Qu'avez-vous donc, madame? Hélas, Lisette, on me persécute. On veut que je me marie. Vous mariez? À qui donc? Au plus haïssable de tous les hommes. Un homme que le hasard a destiné pour me faire du mal et pour m'arracher, malgré moi, des discours que j'ai tenus sans savoir ce que je disais. Mais il n'est venu que le comte. Et c'est lui-même. Et vous l'épousez? Je n'en sais rien, je te dis qu'il le prétend. Il le prétend? Mais qu'est-ce que c'est donc cette aventure-là? Elle ne ressemble à rien. Je saurais te la mieux dire. C'est le chevalier, c'est ce misanthrope-là qui est cause de cela. Il m'a fâchée, le comte en a profité, je ne sais comment. Ils veulent souper ce soir ici. Ils ont parlé de notaire, d'article. Je l'ai laissé dire. Le chevalier est sorti. Il se marie aussi. Le comte lui donne sa sœur. Alors il ne manquait qu'une sœur pour achever de me déplaire à cet homme-là. Quand le chevalier l'épouserait, que vous importe? Veux-tu que je sois la belle-sœur d'un homme qui m'est devenu insupportable? Eh, mort de ma vie, ne la soyez pas, renvoyez le comte. Et sur quel prétexte? Car enfin, quoi qu'il m'ait fait, je n'ai pourtant rien à lui reprocher. Oh, je m'y perds, madame, je n'y comprends plus rien. Ni moi non plus. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne saurais me démêler, je me meurs. Qu'est-ce que c'est donc que cet état-là? Mais c'est, je crois, ce maudit chevalier qui est cause de tout cela. Et pour moi, je crois que cet homme-là vous aime. Mais non, Lisette, on voit bien que tu te trompes. Voulez-vous m'en croire, madame? Ne le revoyez plus. Et laisse-moi, Lisette, tu me persécutes aussi. Ne me laissera-t-on jamais en repos? En vérité, la situation où je me trouve est bien triste. Votre situation, je la regarde comme une énigme. Madame! Monsieur le chevalier qui est dans un état à faire compassion. Que veut-il dire? Demande-lui ce qu'il a, Lisette. Hélas, je crois que son bon sens s'en va. Tantôt il marche, tantôt il s'arrête, il regarde le ciel comme s'il ne l'avait jamais vu. Il dit un mot, il en bredouille un autre. Et il m'envoie savoir si vous voulez bien qu'il vous voie. Ne me conseilles-tu pas de le voir? Oui, n'est-ce pas? Oui, madame. Du temps dont vous me le demandez, je vous le conseille. Ah, il avait d'abord fait un billet pour vous qu'il m'a donné. Non, voyons donc. Tout à l'heure, madame. Quand j'ai eu ce billet, il a couru après moi. Rends-moi le papier, je l'ai rendu. Tiens, va le porter, je l'ai repris. Rapporte le papier, je l'ai rapporté. Ensuite, il a laissé tomber le billet en se promenant. Je l'ai ramassé sans qu'il l'ait vu, afin de l'apporter comme à sa bonne amie, pour voir ce qu'il y a et s'il y a quelques remèdes à sa peine. Montre donc. Le voici. Et tenez, voici l'écrivain qui arrive. Sors. Il sera peut-être bien aise de n'avoir pas de témoin. D'être seul. Je viens prendre congé de vous et vous dire adieu, madame. Vous, monsieur le chevalier, où allez-vous donc? Où j'allais quand vous m'avez arrêté. Mon dessein n'était pas de vous arrêter pour si peu de temps. Ni le mien de vous quitter si tôt, assurément. Pourquoi donc me quittez-vous? Pourquoi je vous quitte? Mais marquise, que vous importe de me perdre dès que vous épousez le comte? Tenez, chevalier, vous verrez qu'il y aura encore du malentendu dans cette affaire-là. Ne précipitez rien, je ne veux pas que vous partiez. J'aime mieux avoir tort. Non, madame, c'en est fait. Il ne m'est plus possible de rester. Mon cœur ne serait plus content du vôtre. Je crois que vous vous trompez. Si vous saviez combien je dis vrai, combien nos sentiments sont différents. Mais pourquoi différents? Il faudrait donner un peu plus d'étendue à ce que vous dites là. Je ne vous entends pas bien, chevalier. Il n'y a qu'un seul mot qui m'arrête. Je ne puis deviner si vous ne me le dites. Je m'étais tantôt expliqué dans un billet que je vous avais écrit. À propos de billet, vous me faites souvenir que l'on m'en a apporté un quand vous êtes venu. Et de qui est-il, madame? Je vous le dirai. Je devais, madame, regretter Angélique toute ma vie. Cependant, le croiriez-vous, je pars aussi pénétrée d'amour pour vous que je ne le fus jamais pour elle. Oh, tenez, chevalier, n'est-ce pas là le mot qui vous arrête? C'est mon billet. Ah, marquise, que voulez-vous que je devienne? Je rougis, chevalier, c'est vous répondre. Mon amour pour vous durera autant que ma vie. Je ne vous le pardonne qu'à cette condition-là. Que voilà, monsieur le chevalier, voilà le grand transport. Il est fait, monsieur le comte. Quand vous m'avez dit que j'aimais madame, vous connaissiez mieux mon cœur que moi. Mais j'étais dans la bonne foi et je suis sûr de vous paraître excusable. Et vous, madame? Je ne croyais pas. L'amitié est si dangereuse. Ah, tiens! Madame, il y a là-bas un notaire que le comte a amené. Le retiendrons-nous, madame? En fait, je ne me mêle plus de rien. Oh, je commence à comprendre. s'en va, le notaire reste, et vous vous mariez. Et nous aussi. Il faudra que votre contrat fasse la fondation d'une autre, n'est-ce pas, Lisette? Ouais. Allons, de la joie. Veuillez écouter maintenant le débat de la Tribune libre de Théâtre et Université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Léon Chancerel, président de la Société d'Histoire du Théâtre, Marcel Giraudin, Jean Beaufray, professeur de première supérieure au lycée Condorcet, et Jean Sébérac, Luc Bastide, élève de première supérieure au lycée Condorcet. Luc Bastide. Eh bien, je pense qu'il faut se demander dans quelle mesure la seconde surprise de l'amour est en continuité avec les œuvres précédentes de Marivaux, ou bien si elle a son originalité propre, et il s'agit alors de la définir exactement. Quelle est la place de la seconde surprise dans l'œuvre de Marivaux, Léon Chancerel? Vous savez que Marivaux, ses débuts au théâtre se font à la Comédie-Française, avec une tragédie, Hannibal, en 5 actes. C'est un désastre. Et ensuite, la même année, c'est-à-dire en 1720, c'est Arlequin, poli par l'amour, à la Comédie italienne. Alors, à ce moment-là, Marivaux est entré vraiment dans l'intimité des comédiens italiens, qui font courir tout Paris et qui sont une troupe excellente. Et c'est à la suite, en 1722, la surprise de l'amour, la première surprise de l'amour, qui est écrite pour les comédiens italiens et pour les personnages de la Comédie italienne. Puis, tous les ans, 1723, la double inconstance, 24, le prince travesti, la fausse suivante, le dénouement imprévu, 25, l'île des esclaves, etc., etc. Tout ça à la Comédie italienne. Et nous arrivons en 1726, où il arrive à réaliser ce qui était un de ses rêves, c'est d'être joué par les comédiens français, et c'est la seconde surprise de l'amour. Mais quel rapport y a-t-il entre les deux pièces et quel est le sens exact du mot « seconde » dans le titre « Seconde surprise de l'amour » ? Oui, je me demandais parfois s'il fallait entendre « seconde » dans un sens purement chronologique ou si la structure même de la pièce mettant en scène des personnages ayant déjà été amoureux faisait qu'il s'agissait pour eux d'une seconde surprise. Voilà un point peut-être qu'on pourrait éclairer. Oui. Léon Chancerel. Oui, évidemment, c'est le même thème. C'est le même thème, seulement la première surprise a été faite, comme nous l'avons dit, pour les comédiens italiens, c'est-à-dire pour des personnages fixes, dans le cadre d'un système dramatique très particulier, tandis que la seconde a été réécrite en vue des comédiens français. Alors, il y a quelques petites modifications, mais enfin, le thème est exactement le même. Au lieu que l'Hélio, dans la première surprise de l'amour, est simplement un misogyne, un misanthrope, etc., là, le chevalier s'est adouci, a simplement une peine d'amour, etc. Enfin, c'est une adaptation, si l'on peut dire, au moyen nouveau, à l'instrument nouveau dont se servait Marivaux. Donc, la seconde surprise de l'amour s'appelle seconde surprise, étant donné que c'est chronologiquement la seconde pièce qui traite du même sujet. Voilà, je crois. Marcel Giraudet. Mais dans la méthode de Marivaux, dans la technique de Marivaux, ne pensez-vous pas, on chancerait, qu'il y ait, sinon une petite décadence entre le Marivaux de la Comédie italienne et le Marivaux de la Comédie française? N'y a-t-il pas plus d'ingénuité, plus de verve et plus de véritable sentiment théâtral dans la première surprise de l'amour plutôt que dans la seconde? Je ne vous cache pas que je préfère de beaucoup la première surprise de l'amour, mais ça c'est peut-être le goût que j'ai de la Commedia dell'arte. Il y a une chose qui est frappante dans la première surprise, c'est que c'est tout à fait antinaturaliste. Nous sommes dans un monde de conventions. Ce ne sont pas des acteurs qui jouent un rôle, ce sont des personnages que tout le monde connaît, suivant une tradition, une espèce de climat, je ne dirais pas de féerie, mais de convention, c'est ça, de convention théâtrale. Et d'irréalité en même temps. Et d'irréalité dans lequel se glissent l'observation et la psychologie de Marivaux. n'est-ce pas ? Il y a une chose qui est très frappante aussi, cette première surprise de l'amour. Voilà ce Marivaux qui a le goût du théâtre, qui rencontre les comédiens italiens, qui dépouse une pièce. Et n'oublions pas que les comédiens italiens commençaient à peine à savoir parler le français correctement. N'est-ce pas ? Que Thomasin, qui jouait les Arlequins, avait laborieusement appris le français. Sylvia le parlait bien, mais Lélio le parlait un petit peu comme un Auvergnat, n'est-ce pas, ce grand tragédien. Voyez-vous, tout ça, ça pose des tas de mystères. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que la première surprise de l'amour m'enchante et que la seconde me captive moins. Comment la seconde surprise de l'amour est-elle entrée au répertoire français ? Il semblait à Marivaux que la consécration, c'était la Comédie française qu'il donnait. Mais à la vérité, la Comédie française ne lui a jamais porté beaucoup de chance. Ses succès ont eu lieu surtout à la Comédie italienne. Nous avons évoqué tout à l'heure son début dans la tragédie. Bah, par la suite, les autres pièces n'ont pas beaucoup de succès. Et en ce qui concerne la seconde surprise, l'accueil n'a pas été très bon. La seconde surprise de l'amour. Et à ce moment-là, il y a une comédienne, je sais bien que c'est une comédienne qui avait quelques jalousies peut-être pour ses camarades, une comédienne qui s'appelait Mademoiselle Haïssé qui écrit ceci. « La comédie française tombe, tous les bons acteurs vont quitter. Les mauvais sont détestables et ne donnent aucune espérance. » C'est au moment de la création de la seconde surprise à la comédie française. Nous avons replacé la seconde surprise de l'amour dans l'œuvre de Marivaux, dans la chronologie des œuvres de Marivaux et dans le cadre du théâtre du XVIIIe siècle. Je crois maintenant qu'il s'agirait de répondre à la seconde question posée par Luc Bastide, à savoir quelle est l'originalité de la seconde surprise de l'amour. Jean Sébérac. Je crois qu'il y a une différence essentielle entre la seconde surprise de l'amour et la première, c'est dans la situation psychologique des personnages. Dans la première surprise de l'amour, les personnages ont fait une expérience de l'amour, mais une expérience malheureuse. Lélio, Arlequin ont été trompés. Ce n'est pas une inconstance, c'est même une infidélité. Dans la deuxième surprise de l'amour, les personnages ont une expérience heureuse de l'amour. La comtesse a été comblée, la marquise plus exactement, et le chevalier, lui aussi, a été comblé dans son amour. Mais ce sont des circonstances extérieures qui l'ont empêché de réaliser son amour. Dans la deuxième surprise de l'amour, c'est du regret, alors que dans la première, c'est du dépit. Oui, c'est juste, mais je crois qu'il y a autre chose qu'une différence de construction dramatique, il y a aussi une différence de style et d'esprit dans la seconde surprise de l'amour. Et c'est cela qui est important, ce qui fait l'originalité de l'œuvre. Oui, évidemment, mais ça n'a pas été écrit pour les mêmes comédiens, n'est-ce pas ? Enfin, si vous voulez, c'est le même thème, mais ça n'est plus le même échiquier, ce ne sont plus les mêmes pièces du jeu d'échecs, ce ne sont plus des personnages fixes, mais ce sont des acteurs qui jouent un rôle. Enfin, nous approchons un petit peu de la comédie, j'oserais presque dire, bourgeoise, n'est-ce pas ? Oui, je crois que l'on sort d'un domaine irréel et poétique. Conventionnel. Hein, conventionnel, mais qui fait jaillir la poésie pour entrer dans quelque chose de plus intégré dans le siècle, n'est-ce pas, et qui est déjà le point de départ de ce qui sera demain la comédie bourgeoise. Marcel Giraudet. Les pièces qu'il donnait à la comédie italienne étaient jouées d'abord avec les personnages habillés à l'italienne, avec les demi-masques et avec tout le brio de la comédie italienne, ce qui lui donnait sans doute un autre style au sens littéraire du mot. Même, un côté singulier. Mais oui. Tandis que lorsqu'il va raffiner dans les données psychologiques qui, à mon sens, ne nous intéressent plus guère, et c'est un ruisseau qui se perd dans des sables, les spectateurs ne rentrent plus dans le jeu, n'est-ce pas ? Les personnages sont sur la scène en train de discuter longuement de leurs sentiments, en train d'essayer de clarifier une situation qui, en général, est bien claire, d'ailleurs, et il y a un rideau de gaz entre la scène et les spectateurs, et nous ne rentrons plus dans le circuit. Je crois vraiment, moi, qu'il y a une démission du vrai théâtre, du théâtre-jeu dans Marivaux, dans le Marivaux des grandes pièces que l'on joue à la comédie française maintenant. Il n'y a plus de force comique au sens moliéresque du mot. Il y a quand même indiscutablement le réalisme psychologique. Il y a un mécanisme qui est profondément vrai. Il est appliqué là à l'amour, mais chacun de nous, nous avons pu connaître une action intérieure semblable, c'est-à-dire prêter à un personnage que l'on aime des sentiments qui sont contradictoires et à partir de l'interprétation que l'on en donne au fond de soi-même, on bâtit tout un roman. Et comme dans Marivaux, aussi bien la comtesse bâtit son roman que le chevalier bâtit son roman, il est certain qu'ils ont beaucoup de mal à se rencontrer. Et c'est cela toute l'histoire. Jean Sebrac. Je crois en effet que la pièce de Marivaux est un jeu de construction, une véritable construction de l'esprit tout à fait factice. Il utilise la méprise, l'imbroglio, et à l'intérieur de la pièce elle-même, il y a des rebondissements multiples qui arrivent à être gênants. Nous voyons ces personnages sur la scène et nous ne participons pas à leur jeu, nous sommes complètement en dehors. Je vous trouve quand même sévère, n'est-ce pas ? Il est certain que le cadre est donné dans les pièces de Marivaux. Il y a une architecture, on a l'impression même que c'est un thème qui est écrit au départ et dans lequel il faut absolument faire entrer des idées, des personnages et des sentiments. À l'intérieur de cette architecture, qui est valable du point de vue dramatique, factice mais valable, ce qui fait qu'on ne reconnaît pas exactement le théâtre, c'est que l'intervention de l'auteur se fait surtout, avant tout, sur un plan littéraire. C'est le développement littéraire d'un certain nombre de situations et de sentiments. Mais là où il faut quand même reconnaître un mérite à Marivaux, c'est que, encore une fois, ce développement littéraire correspond à des vérités psychologiques, à des vérités humaines qu'on ne peut pas ignorer. Et on est gêné par la construction factice, on est gêné par le développement littéraire, mais on se retrouve quand même dans le théâtre de Marivaux. C'est simplement, vraiment je crois, parce que malgré le malentendu, malgré la méprise, malgré toutes ces astuces qui lient les différentes scènes et les différents personnages entre eux, il y a une certaine vérité qui nous est sensible. Chancel. Enfin, il y a une espèce de gêne tout de même, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une adhésion complète. Notre admiration est mêlée. Il y a un homme qui a vraiment beaucoup étudié Marivaux, c'est Xavier de Courville. Non seulement en donnant une édition de son théâtre avec des notices tout à fait remarquables, en publiant un livre sur Luigi Riccoboni, où il est beaucoup parlé de Marivaux, de Sylvia, etc., mais aussi sur la scène, en metteur en scène et en comédien. Je crois que là, son opinion est intéressante. Bien, je trouve là une chose qui confirme ce que vous dites et qui en même temps y apporte peut-être quelques nuances avec l'expérience du comédien, du metteur en scène. Il dit « Marivaudage dira-t-on de ce style, comme Voltaire dira de ses pièces, comédie métaphysique. Mais style de théâtre et comédie véritable. Comédie italienne en dépit de leur grâce bien française. » Ça, c'est le Marivaux du théâtre italien. Et nous éprouvons cette gêne, surtout quand il quitte le théâtre italien pour aller à la comédie française. Je crois que ça résume bien notre pensée à tous, peut-être. Marcel Giraudet. En un mot, je crois, moi, que Marivaux est le seul théâtre vraiment précieux que nous ayons. Le théâtre où une certaine préciosité se soit glissée. Une préciosité extrêmement différente de celle du XVIIe siècle qui correspondait à des valeurs physiques et intellectuelles profondes, tandis que le théâtre de Marivaux, la préciosité de Marivaux, ne correspond qu'à des sentiments de salon ou à des sentiments tellement intimes qu'ils ne peuvent plus toucher à partir d'un certain moment. Et cette préciosité profonde vient peut-être justement du phénomène italien. Le jeu italien, qui était un jeu physique, il ne pouvait pas le porter sur la comédie française. Et ce jeu, cette espèce de brio qu'il y avait dans le théâtre italien, il a voulu le transplanter dans un système littéraire, dans un système psychologique, une psychologie qui est à courte vue, bien entendu, mais qui pouvait encore plaire à ce moment-là. Il y a peut-être un système de compensation dans Marivaux, et la compensation comédie française, du côté de la comédie française, n'a pas donné ce qu'on pourrait espérer. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'influence, enfin, italienne, qui n'est pas douteuse. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait y voir aussi une influence espagnole. ce théâtre espagnol qui a tellement influencé tout notre théâtre du XVIIe siècle, et qui a influencé les Italiens, qui a influencé les Français, et dont on retrouve tout de même des traces dans le théâtre de Marivaux. Regardez Le Prince Travesti, est-ce que vous ne pensez pas aux grandes comédias du siècle d'or? Oui, il est certain que pour arriver à exprimer un certain nombre de valeurs psychologiques réelles et sensibles, Marivaux a besoin d'utiliser un certain nombre de trucs. Et ce ne sont pas uniquement des trucs de construction dramatique, ce sont aussi des trucs psychologiques, n'est-ce pas ? On a dit, il faut le répéter, que le théâtre de Marivaux, c'est avant tout, n'est-ce pas, le théâtre de l'aveu. Bon, de l'aveu et de l'aveu de l'amour, ce mot qui d'ailleurs n'est jamais prononcé, ou qui l'est en tous les cas simplement à la fin, au moment où le complexe est déchiré. Eh bien, l'originalité de la seconde surprise en ce qui concerne le développement de l'aveu est, je crois, à marquer par rapport aux autres pièces qui sont aussi construites sur l'idée de l'aveu et de la difficulté de l'aveu. Dans le jeu de l'amour et du hasard, l'aveu de l'amour est compliqué par la différence apparente des conditions sociales des protagonistes. Dans les serments indiscrets, l'aveu de l'amour est compliqué par la pudeur des jeunes gens qui n'osent pas s'avouer leur amour. Et dans la seconde surprise de l'amour, où nous n'avons plus des jeunes gens comme dans le jeu ou comme dans les serments, où nous avons des gens qui ont déjà vécu, qui savent ce que c'est que l'amour, eh bien l'aveu est compliqué par le dépit amoureux. Et toute la construction dramatique et psychologique est faite autour de cet aveu compliqué par le dépit. Léon Chancerelle. Ce dépit amoureux qui est un des grands thèmes du théâtre, de la comédie, et dans tous les pays, et dont Molière avait donné des exemples magnifiques. Seulement, voyez la façon dont Molière traite le dépit amoureux, c'est une petite scène tout en jeu, et il n'y a pas tous ces développements. Et ce qui est amusant, c'est que ça n'est pas tellement l'aveu qui est difficile, car ils sont persuadés les uns et les autres, une fois qu'ils ont eu la révélation physique de leur amour, qu'un moment ou un autre, eh bien, il faudra bien se l'avouer. Et au fond d'eux-mêmes, ils se l'avouent, mais la difficulté, c'est de prononcer le mot amour. Et je crois, ce qui est extrêmement intéressant dans la seconde surprise, c'est que ce que nous sentions dans les autres œuvres de Marivaux, cette difficulté de dire le mot amour, eh bien là, c'est explicité d'une façon précise. Rappelez-vous, le dénouement n'est rendu possible que parce que la marquise a en main la lettre que le chevalier lui a écrite. Et que lit-on dans cette lettre ? Je pars aussi pénétré d'amour pour vous que je ne le fus jamais pour Angélique. Et alors, la marquise dit : tenez, chevalier, n'est-ce pas là le mot qui vous arrête ? Donc il s'agit bien, non pas de personnages qui s'aiment et qui sont arrêtés par la difficulté de se faire l'aveu de leur amour, mais par la difficulté de prononcer le mot amour, le mot qui engage. Léon Chancerelle. Ouais, ce que je voudrais demander, c'est aux jeunes spectateurs qui sont là, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'il se trouve en face de ce que Voltaire appelait cette métaphysique de l'amour, cette dialectique amoureuse, dirons-nous ? Enfin, si vraiment il croit que ça a pu exister, enfin, si ça les intéresse. Luc Bastide. Eh bien, nous avions parlé du sentiment de gêne. Je crois en effet que c'est ce sentiment que l'on éprouve devant une comédie de Marivaux. En effet, si l'on considère le théâtre comme un jeu et une communion entre les personnages et les spectateurs, il me semble qu'on n'éprouve pas ce sentiment de communion lorsque l'on assiste à une représentation de Marivaux. Jean Sébérac. J'ai nettement l'impression, moi aussi, que les situations psychologiques des personnages sont particulièrement fausses et ne correspondent absolument à rien dans notre XXe siècle. Oui, mais alors, il se pose un problème, c'est de savoir pourquoi, ceci étant acquis, Marivaux quand même plaît aujourd'hui et que les salles de la Comédie française sont plus pleines aujourd'hui qu'elles l'étaient peut-être au XVIIIe siècle quand on jouait la seconde surprise. Jean Beaufray. Mais précisément, il y a quelque chose de profondément authentique dans ce théâtre. C'est la langue française qui parle français d'une manière telle qu'on se demande si elle saura se tenir toujours à ce niveau. On se retrouve au plus intime de soi-même par cette sonorité, ce déploiement de la langue. Et c'est certainement cela qui retient les auditeurs français. Léon Chancel. Oui, ça, bien sûr. Et j'ajoute même à cela que c'est éminemment une langue de théâtre, un modèle de langue de théâtre. Tous les comédiens vous diront combien le rythme de Marivaux s'impose. Enfin, relisons, repensons à certaines scènes de Marivaux, comme c'est balancé, ce rythme, etc. Langue de théâtre admirable, étincelante, brillante. Et il est vrai que sur ce plan-là, avec Arlequin poli par l'amour, pour ce qui est de la construction dramatique et de la langue, La seconde surprise de l'amour est certainement une des meilleures pièces de Marivaux. Marcel Giraudet. C'est un argument de littéraire et d'analyste qu'on donne là. Il est certain qu'on sent la beauté de la langue, mais il arrive bien souvent aux spectateurs jeunes ou aux bons spectateurs qui ne veulent pas faire de philologie et de grammaire en écoutant une pièce de théâtre, de ne pas très bien comprendre aussi bien Corneille que Marivaux. Et les raffinements de Marivaux sont valables évidemment dans, quant à leur rythme, mais je ne suis pas sûr, moi, que le spectateur ordinaire comprenne fort bien tout le détail. Oui. Léon Chancel. Oui, oui. Moi, d'ailleurs, je me plaçais du point de vue du comédien. Il y a l'aspect du spectateur, encore. Moi, j'y reviens. Oui. J'y reviens. Et moi, je comprends fort bien qu'on ne se retrouve pas dans Marivaux. Vous parliez de communion tout à l'heure. Et il y a une communion entre l'acteur qui joue, quel que soit ce qu'il joue, et le spectateur, parce que nous sommes de même génération la plupart du temps. Madame de Staël disait qu'on allait au théâtre non pas pour retrouver une magie quelconque, mais pour se retrouver soi-même, alors que dans la société, on ne se retrouve jamais. Que les charges de la société, les mensonges et les masques de la société tombaient lorsqu'on était au théâtre. Or, de Varivaux, on se trouve, contrairement au spectacle d'une pièce de Molière, devant des acteurs et un auteur qui se lui met lui-même des masques psychologiques et des masques tels qu'on n'arrive pas à le discerner exactement. Et en plus de ces masques psychologiques et ce masque dramatique, Marivaux met encore le masque de sa langue. Jean Beaufray. Oui, ce que dit Giraudet me paraît juste. Et récemment, quelqu'un dont le caractère comporte un certain goût de la dissimulation m'a déclaré avoir entendu La seconde surprise de l'amour avec un vif plaisir. C'est tout de même un événement considérable dans l'histoire du théâtre que la présence de Marivaux, ou l'arrivée de Marivaux, qui vient par les Italiens, qui passe par les comédiens français, et qui influence, enfin, combien d'auteurs. Oui, bien sûr. Jean Sévérac. Marivaux s'amuse, Marivaux joue, Marivaux construit. Mais on se demande si ces situations psychologiques si alambiquées, si compliquées étaient vraiment celles qu'on pouvait trouver dans la vie réelle au XVIIIe siècle. Ce siècle de galanterie a-t-il vraiment connu de telles situations ? Peut-être Marivaux, par une réaction qui est commune à certains auteurs, la littérature est tartare, dit-on, mais parfois elle est contre aussi. La littérature va contre son siècle. Marivaux a-t-il voulu peut-être aller ici contre l'amour simple, la passion simple du XVIIIe siècle, a-t-il voulu la compliquer ? Je ne pense pas qu'un auteur veuille délibérément ou exprimer son temps ou être contre son temps. Je crois que son tempérament le pousse ou à être l'expression des hommes de son temps ou au contraire à prendre position contre. Eh bien, ce que vous dites quand même de Marivaux me semble assez vrai. Je suis persuadé que les mœurs du XVIIIe siècle étaient certainement beaucoup plus simples et que dans la vie courante, l'aveu de l'amour se faisait d'une façon plus facile que dans les comédies de Marivaux. Mais voyez-vous, c'est pas un événement extraordinaire en littérature, n'est-ce pas ? Et si on se réfère à la littérature contemporaine, on s'aperçoit, par exemple, que dans une période aussi violente, aussi troublée, aussi angoissée et angoissante que les années